Chapitre 5, la reine des abeilles. En allant de Mottier-Travers à Boudry vers Neuchâtel, dit le jeune professeur de botanique, vous suivez une route encaissée entre deux murailles de rochers d'une élévation prodigieuse. Elles atteignent jusqu'à 5 et 600 pieds de hauteur à pic et sont tapissées de plantes sauvages, de basilic des montagnes, Thymus alpinus, de fougères, polypodium, de brimbelles, viticeda, de lierres terrestres et autres végétations grimpantes d'un effet admirable. Le chemin serpente dans ce défilé. Il monte, descend, tourne, se ralentit ou se précipite selon les mille sinuosités du terrain. Des roches grises le dominent en demi-voûte. D'autres s'écartent et vous laissent voir des lointains bleuâtres, des profondeurs sombres et mélancoliques, des pans de sapins à perte de vue. Derrière tout cela coule la Reuss, qui bondit en cascade, se traîne sous les halliers, écume, fume et tonne dans les abîmes. Les échos vous apportent le tumulte et le mugissement de ses flots, comme un bourdonnement immense, continu. Depuis mon départ de Tübingen, le temps avait toujours été beau. Mais comme j'atteignais le sommet de cet escalier gigantesque, à 2 lieues environ du petit village de Noirsègue, tout à coup je vis passer au-dessus de ma tête de grands nuages d'un gris sombre qui bientôt envahirent tout le défilé. Ces vapeurs étaient si denses qu'elles pénétraient mes vêtements comme une forte rosée. Quoiqu'il ne fût encore que 2 heures de l'après-midi, le ciel devint sombre comme à l'approche des ténèbres, et je prévis un orage épouvantable. Portant alors mes regards en tous sens pour chercher un abri, j'aperçus par une de ces larges embrasures qui vous ouvrent la perspective des Alpes, à 200 ou 300 pas de moi, sur la pente qui s'incline vers le lac, un antique chalet tout gris, tout moisi, avec ses petites vitres rondes, sa toiture en auvent chargée de larges pierres, son escalier extérieur à rampes sculptées et son balcon en corbeille, où les jeunes filles de la Suisse suspendent volontiers leurs blanches chemises et leurs petites jupes coquelicots. Justement, une grande femme en bonnet noir était en train de replier le linge et de rentrer les effets qu'agitait le vent. À gauche de cette construction, un vaste rucher posé sur des poutrelles en balcon formait saillie au-dessus de la vallée. Vous pensez bien que, sans perdre une minute, je me mis à bondir dans les bruyères pour gagner ce refuge, et bien m'en pris, car j'en ouvrais à peine la porte que l'ouragan se déchaînait au dehors avec une fureur terrible. Chaque coup de vent semblait devoir enlever la baraque, mais ses fondements étaient solides et la sécurité des braves gens qui m'accueillirent me rassura complètement sur de pareilles éventualités. Là vivaient Walter Jung, sa femme Catherine et leur fille unique, la petite Rose. Je restai 3 jours chez eux, car le vent qui tomba vers minuit avait amassé tant de brume dans la vallée de Neuchâtel que notre montagne en était littéralement noyée. On ne pouvait faire 20 pas hors du chalet sans se perdre. Chaque matin, en me voyant prendre mon bâton et boucler mon sac, les braves gens s'écriaient « Seigneur Dieu, qu'allez-vous faire, monsieur Hénétius? Gardez-vous bien de partir, vous n'arriveriez nulle part. Au nom du ciel, restez parmi nous !» Et Jung, ouvrant la porte, s'écriait « Voyez, monsieur, ne faudrait-il pas être là de vivre pour se hasarder dans les rochers? La sainte colombe elle-même ne retrouverait pas son arche au milieu d'un pareil brouillard. » Un simple coup d'œil sur la côte suffisait pour me décider à remettre mon bâton derrière la porte. Walter Jung était un homme du vieux temps. Il approchait de la 60aine. Sa large tête avait une expression calme et bienveillante. C'était une vraie tête d'apôtre. Sa femme, coiffée d'un grand bonnet de taffetas noir, pâle et rêveuse, offrait un caractère analogue. Ces 2 silhouettes, se découpant sur les petites vitres à mailles de plomb du chalet, réveillaient en moi de lointains souvenirs, comme ces peintures d'Albert Dürer, dont la vue seule nous reporte à la vie croyante, aux mœurs patriarcales du XVe siècle. les longues poutres brunes de la salle, la table de sapin, les chaises de frêne à dossier plat percé d'un cœur, les gobelets d'étain, l'étagère couverte d'antiques vaisselles fleuronnées, le Christ de vieux buis sur ébène et l'horloge vermoulue avec ses poids sans nombre et son cadran de faïence complétaient l'illusion. Mais une figure autrement touchante était celle de leur fille, la petite Rosalie. Il me semble la voir encore avec sa toque de crin à grands rubans de moire, son fin corsage serré d'un gros flot bleu retombant sur les genoux, ses petites mains blanches croisées dans l'attitude de la rêverie, ses longues tresses blondes, toute cette nature svelte, gracieuse, aérienne. Oui, je vois Rosel assise dans le grand fauteuil de cuir contre le rideau bleu de l'alcôve, souriant tout bas, écoutant et rêvant. Dès mon arrivée, sa douce figure m'avait émue et je m'étais demandé d'où venait son air souffrant et mélancolique. Pourquoi fléchissait-elle son beau front pâle? Pourquoi ne levait-elle jamais les yeux? Hélas, la pauvre enfant était aveugle de naissance. Jamais elle n'avait vu l'immense paysage du lac, sa nappe d'azur qui se fond avec tant d'harmonie dans le ciel, les barques de pêcheurs qui le sillonnent, les cimes boisées qui le dominent et se reflètent en tremblotant dans ses ondes, les roches moussues, les plantes alpestres si vertes, si vivaces, si splendides de couleurs, ni le soleil couchant derrière les glaciers, ni les grandes ombres du soir couvrant les vallons, ni les genêts d'or, ni les bruyères sans fin, rien. Elle n'avait rien vu de ces choses, rien de ce qu'on voyait chaque jour des petites fenêtres du chalet. Quelle amère et triste ironie, me disais-je en face de ces petites vitres rondes, plongeant un regard dans la brume et pressentant le retour du soleil. Quelle poignante ironie du sort, être aveugle, ici, en face de cette sublime nature, de cette grandeur sans bornes, être aveugle, ô mon Dieu, qui peut juger tes décrets impénétrables? Qui peut contester la justice de tes sévérités, même lorsqu'elles s'appesantissent sur l'innocence? Mais être aveugle en présence de tes œuvres les plus grandes, de tes œuvres qui renouvellent sans cesse notre enthousiasme, notre amour, notre adoration pour ton génie, ta puissance et ta bonté. Quel crime la pauvre enfant a-t-elle pu commettre pour mériter de telles rigueurs? Et je rêvais à ces choses. Je me demandais aussi quelle compensation la miséricorde divine pouvait accorder à sa créature, après l'avoir privée du plus grand de ses bienfaits. Et n'en trouvant aucune, je doutais de sa puissance. « L'homme présomptueux, a dit le roi poète, ose se glorifier dans sa science et juger l'Éternel. Mais sa sagesse n'est que folie, et ses lumières ne sont que ténèbres. En ce jour, un grand mystère de la nature devait m'être révélé, sans doute pour humilier mon orgueil et m'apprendre que rien n'est impossible à Dieu, qu'il ne tient qu'à lui de multiplier nos sens et d'en gratifier ceux qui lui plaisent. » Ici, le jeune professeur puisa dans sa tabatière d'écaille une légère prise, qu'il aspira délicatement de sa narine gauche, les yeux levés au plafond d'un air contemplatif. Puis, au bout de quelques secondes, il poursuivit en ces termes. « Ne vous est-il pas arrivé quelquefois, mes chères dames, lorsque vous parcouriez la campagne au beau jour d'été, surtout après un court orage, alors que l'air tiède, les blanches vapeurs, les mille parfums des plantes et leur douce haleine vous pénétraient et vous réchauffaient, que le feuillage des grandes allées solitaires, des berceaux, des buissons se penchait vers vous, comme pour vous saisir et vous embrasser, que les petites fleurs, les pâquerettes, les fergis meinnicht, les volubilis à l'ombre des charmilles sur le frais gazon et les mousses du sentier levaient leurs capuches et vous suivaient d'un long regard. Ne vous est-il pas arrivé d'éprouver une langueur indicible, de soupirer sans cause apparente, de répandre même des larmes et de vous demander « Mon Dieu, d'où vient que tant d'amour me pénètre ? D'où vient que mes genoux fléchissent ? D'où vient que je pleure ?» D'où cela venait, mesdames ? Mais de la vie, de l'amour des milliers d'êtres qui vous entouraient, qui se penchaient vers vous, qui vous appelaient, qui s'élançaient pour vous retenir et murmuraient tout bas, je t'aime, reste, oh, ne me quitte pas. » Cela venait de ses mille petites mains, de ses mille soupirs, de ses mille regards, de ses mille baisers, de l'air, du feuillage, de la brise, de la lumière, de toute cette création immense, de cette vie universelle, de cette âme multiple, infinie, répandue dans le ciel, sur la terre et dans les ondes. Voilà, mesdames, ce qui vous faisait trembler, soupirer et vous asseoir au revers du sentier, le visage incliné sur les genoux, sanglotante et ne sachant sur qui répandre ce trop-plein de sentiments qui débordaient de votre cœur. Oui, telle était la cause de votre émotion profonde. Mais à cette heure, imaginez l'enthousiasme recueilli, le sentiment religieux d'un être qui serait toujours dans une pareille extase. Fût-il aveugle, sourd, misérable, abandonné de tous, croyez-vous qu'il aurait rien à nous envier? Que sa destinée ne serait pas infiniment plus belle que la nôtre? Pour moi, je n'en doute pas. Sans doute, me direz-vous, mais c'est impossible. L'âme humaine succomberait sous le poids d'une félicité pareille. Et d'ailleurs, d'où lui viendrait-elle? Quels organes pourraient lui transmettre partout et toujours le sentiment de la vie universelle? Je l'ignore, mesdames. Cependant, écoutez et jugez. Le jour même de mon arrivée au chalet, j'avais fait une remarque singulière. C'est que la jeune aveugle s'inquiétait surtout des abeilles. Tandis que le vent soufflait au dehors, Rösel, le front penché dans ses mains, semblait fort attentive. « Père, dit-elle, je crois qu'au fond du rucher, la troisième ruche à droite est encore ouverte. Allez voir, l'orage vient du nord. Toutes les abeilles sont rentrées, vous pouvez fermer la ruche. » Et le vieillard, étant sorti par une porte latérale, vint dire « C'est bien, j'ai fermé, mon enfant. » Puis, une demi-heure après, la jeune fille, se réveillant de nouveau comme d'un rêve, murmura « Il n'y a plus d'abeilles dehors, mais sous le toit du rucher, quelques-unes attendent. Elles sont de la sixième ruche près de la porte. Allez leur ouvrir, mon père. » Et le vieux sortit aussitôt. Il resta plus d'un quart d'heure. Puis il revint prévenir sa fille que tout était en ordre, que les abeilles venaient de rentrer. L'enfant inclina la tête et répondit « C'est bon ». Alors elle parut s'assoupir. Moi, debout près du fourneau, je me perdais dans un abîme de méditation. Comment la pauvre aveugle pouvait-elle savoir que dans telle ou telle ruche toutes les abeilles n'étaient pas rentrées, que telle autre ruche était ouverte? Cela me paraissait inconcevable. Mais, arrivé d'une heure au plus, je ne me croyais pas le droit d'interroger mes hôtes sur leur fille. Il est pénible d'entretenir les gens d'un sujet qui les affecte. Je supposais que Jung cédait aux observations de son enfant par complaisance, pour lui faire croire qu'elle rendait des services, qu'elle était utile, que sa prévoyance préservait les abeilles d'une foule d'accidents. Cette idée me parut la plus simple, la plus vraie. Je n'y réfléchis pas davantage. Nous soupâmes vers 7 heures de lait et de fromage, et la nuit venue, Jung me conduisit dans une assez vaste chambre au premier, meublée d'un lit et de quelques chaises, et toute boisée de sapin, comme cela se rencontre dans la plus grande partie des chalets de la Suisse. Vous n'êtes séparés de vos voisins que par des cloisons. Chaque pas, chaque parole retentit à vos oreilles. Cette nuit-là, je m'endormis au sifflement de la rafale et au grelottement des vitres fouettées par la pluie. Le lendemain, le vent était tombé. Nous étions plongés dans la brume. En m'éveillant, je vis mes petites vitres toutes blanches, ouatées de brouillard. Ayant ouvert ma fenêtre, la vallée m'apparut comme une immense étuve. Quelques flèches de sapin dessinaient seules leur profil dans cet amas de vapeurs à la cime des airs. Au-dessous, les nuages s'accumulaient par couches régulières jusqu'à la surface du lac. Tout était calme, immobile, silencieux. En descendant à la salle, je trouvais mes hôtes assis autour de la table en train de déjeuner. « Nous vous attendons !» s'écria Jung d'un accent joyeux. « Pardonnez-nous, » dit la mère, « c'est notre heure de déjeuner. »« Oh, c'est bien, c'est bien. Je vous remercie de ne pas faire attention à ma paresse. » Rösel paraissait plus gai que la veille, de plus fraîches couleurs animaient ses joues. « Le vent est tombé, dit-elle. Tout s'est bien passé. Faut-il ouvrir le rucher ? Demanda Young. Non, non, les abeilles se perdraient dans le brouillard, et puis tout est trempé d'eau. Les ronces et les mousses en sont pleines. Ils s'en noieraient beaucoup pour moindre coup de vent. Attendons. Ah, je le sais bien, elles s'ennuient. Elles voudraient travailler. De manger leur miel au lieu d'en recueillir, ça les tourmente. Mais je ne veux pas en perdre. Plusieurs ruches sont déjà faibles. Elles périraient en hiver. Demain, nous verrons. Les deux vieillards écoutaient d'un air grave, sans faire d'objection. Vers 9 heures, la jeune aveugle voulut visiter ses abeilles. Young et Catherine la suivirent. Je fis comme eux, par un sentiment de curiosité bien naturel. Nous traversâmes la cuisine, dont la porte s'ouvrait sur une étroite terrasse en plein air. Au-dessus s'élevait le toit du rucher. Il était de chaume, et de son rebord tombait un magnifique chèvrefeuille et quelques festons de vignes sauvages. Les ruches se pressaient sur 3 rayons. Roses l'allaient de l'une à l'autre, les caressant de la main et murmurant « Un peu de patience, un peu de patience, il fait trop de brume ce matin. Oh, les avares qui se plaignent !» Et l'on entendait à l'intérieur un vague bourdonnement qui grossissait jusqu'à ce qu'elle fût passée. Cela me rendit plus attentif. Je pressentais là-dessous un étrange mystère. Mais quelle ne fut pas ma surprise, une fois rentrée dans la salle, d'entendre la jeune aveugle s'écrier d'un accent mélancolique « Non, mon père, j'aime mieux ne pas voir aujourd'hui que de perdre mes yeux. Je chanterai, je ferai quelque chose pour ne pas m'ennuyer, n'importe quoi, mais les abeilles ne sortiront pas. » Tandis qu'elle parlait de la sorte, je regardais Walter Young qui, jetant un coup d'œil dehors par les petites vitres, répondit simplement « Tu as raison, mon enfant. Oui, je crois que tu as raison. D'ailleurs, tu ne verrais pas grand-chose. La vallée est toute blanche. Bah, ce n'est pas la peine d'y voir. » Et comme je restais tout stupéfait, l'enfant reprit. « Ah, la belle journée que nous avons eue avant-hier! Qui jamais aurait cru que l'orage du lac nous amènerait tant de brouillard? Maintenant, il faut replier ses ailes et se traîner comme une pauvre chenille. » Puis, après quelques instants de silence, « Que j'étais heureuse sous les grands sapins du Grindelwald, comme la mielée pleuvait du ciel. Il en tombait de toutes les branches. Quelle récolte nous avons faite, mon Dieu, quelle récolte! Et que l'air était doux sur les bords du lac, dans les gras pâturages du Tanmat, et la mousse verdoyante, et l'herbe embaumée. Je chantais, je riais, la cire, le miel remplissait nos cellules. » Quel bonheur d'être partout, de tout voir, de bourdonner au fond des bois, sur la montagne, dans les vallons. Il y eut un nouveau silence. Moi, la bouche béante, les yeux écarquillés, j'écoutais de toutes mes oreilles, ne sachant que penser ni que dire. Et quand l'averse est venue, fit-elle en souriant, avons-nous eu peur? Et ce grand coup de tonnerre nous a-t-il effrayés? Un gros bourdon tapis sous la même fougère que moi fermait les yeux à chaque éclair. Une cigale s'abritait sous ses grandes ailes vertes, et le pauvre petit grillon grimpait sur une haute pivoine pour se sauver du déluge. Mais ce qu'il y avait de plus terrible, c'était ce nid de fauvettes tout près de nous dans les broussailles. La mer voltigeait à droite, à gauche, autour de nous, et les petits ouvraient leurs larges becs jaunes jusqu'au gosier. Avons-nous eu peur? Seigneur Dieu, avons-nous eu peur? Ah, je m'en souviendrai longtemps. Grâce au ciel, un coup de vent nous emporta sur la côte. Adieu, panier, les vendanges sont faites. Il ne faut pas espérer sortir de sitôt. À ces descriptions si vraies de la nature, à cette extase, à cette adoration du jour, de la lumière, il ne me fut pas possible de conserver un doute. L'aveugle voit, me dis-je, elle voit par des milliers d'yeux. Le rucher, c'est sa vie, son âme. Chaque abeille en emporte une parcelle dans les espaces, puis revient attirée par des milliers de fils invisibles. L'aveugle pénètre dans les fleurs, dans les mousses. Elle s'enivre de leur parfum. À l'heure où brille le soleil, elle est partout, sur la côte, dans les vallons, dans les forêts, aussi loin que s'étend sa sphère d'attraction. Et je restais confondu de ce magnétisme étrange, criant en moi-même « Honneur, gloire, Honneur à la puissance, à la sagesse, à la bonté infinie de l'Éternel. À lui, rien d'impossible. Chaque jour, chaque instant de la vie nous révèle sa magnificence. Et comme je me perdais dans ces méditations enthousiastes, Reuzel m'interpella doucement avec un doux sourire. « Monsieur l'étranger ? » fit-elle. « Quoi donc, mon enfant ? Vous voilà bien étonné et vous n'êtes pas le premier. Le recteur Hegel de Neuchâtel et d'autres voyageurs sont venus tout exprès pour me voir. Ils me croyaient aveugle. Vous l'avez cru aussi, n'est-ce pas ? Il est vrai, ma chère enfant, et je remercie le Seigneur de m'être trompée. « Oh ! » fit-elle. « J'entends que vous êtes bon. Oui, je l'entends à votre voix. Quand le soleil viendra, j'ouvrirai mes yeux pour vous regarder. Et quand vous partirez, je vous accompagnerai jusqu'au bas de la côte. » Alors partant d'un naïf éclat de rire, « Oui, je vous ferai de la musique aux oreilles, » dit-elle, « et je me poserai sur votre joue. Mais prenez garde, il ne faut pas essayer de me prendre. » « Sans cela, je vous piquerai. Promettez-moi de ne pas vous fâcher. »« Je vous le promets, Reuzel, je vous le promets, » répondis-je les larmes aux yeux. « Et je vous promets aussi de ne plus tuer d'abeilles, ni d'insectes d'aucune sorte, à moins qu'ils ne soient malfaisants. »« Ce sont les yeux du Seigneur, » murmura-t-elle. « Je n'ai, moi, que mes pauvres abeilles pour voir. Mais lui, il a toutes les ruches. » Toutes les fourmilières, toutes les feuilles des bois, tous les brins d'herbe. Il vit, il sent, il aime, il souffre. Il fait du bien par toutes ces choses. Oh, monsieur Énétius, que vous avez raison de ne pas faire souffrir le bon Dieu qui nous aime tant. Jamais je n'avais été plus ému, plus attendri. Ce n'est qu'au bout d'une minute qu'il me fut possible de demander encore. Ainsi, ma chère enfant, vous voyez par vos abeilles. « Comment cela peut-il se faire ?»« Je ne sais, monsieur Énétius. Cela vient peut-être de ce que je les aime beaucoup. Toutes petites, elles m'ont adoptée. Jamais elles ne m'ont fait le mal. Dans les premiers temps, seules au fond du rucher, jamais à les entendre bourdonner des heures entières. Je ne voyais rien encore. Tout était noir autour de moi. Mais insensiblement, le jour est venu. J'ai vu d'abord un peu le soleil, quand il faisait bien chaud. » Puis un peu mieux avec la vigne vierge et le chèvrefeuille du chalet comme une ombre. Puis la grande lumière. Je commençais à sortir de moi. Mon esprit s'en allait avec les abeilles. Je voyais la montagne, les rochers, le lac, les fleurs et les mousses. Et le soir, toute seule, j'y pensais. Je trouvais ces choses belles. Et quand on parlait de ceci, de cela, de myrtilles, de mûres, de bruyères, je me disais... « Je connais ces choses. Elles sont noires, brunes, vertes. Je les voyais dans mon esprit, et chaque jour je les connaissais mieux par mes chères abeilles. Aussi je les aime bien, allez, monsieur Énétius. Si vous saviez quand il faut leur prendre du miel ou de la cire, comme cela me fait de la peine. Je vous crois, mon enfant, je vous crois. » Mon ravissement à cette découverte merveilleuse n'avait plus de bornes. Durant 2 jours encore, Reuzel m'entretint de ses impressions. Elle connaissait toutes les fleurs, toutes les plantes alpestres, et me fit la description d'un grand nombre qui n'ont pas encore reçu de nom de la science et qui ne se trouvent sans doute que sur des hauteurs inaccessibles. Souvent, la pauvre jeune fille s'attendrissait en parlant de ses chères amies, les petites fleurs. « Combien de fois, disait-elle, « ne m'est-il pas arrivé de causer des heures entières avec un petit genêt d'or ou bien avec un tendre Fergus Meinicht aux gros yeux bleus et de prendre part à leur chagrin ? Tous voudraient s'en aller, voltiger. Tous se plaignent de dessécher sur la terre et d'être forcés d'attendre des jours et des semaines une goutte de rosée pour les rafraîchir. » Et là-dessus, Reuzel se prenait à me faire de longues histoires de ces conversations sans fin. C'était merveilleux. Rien qu'à l'entendre, on se serait épris d'amour pour une églantine, ou de vive sympathie, de compassion profonde pour les sentiments d'une violette, pour ses malheurs et ses souffrances comprimées. Que vous dirais-je encore, mes chères dames ? Il est pénible de quitter un sujet où l'âme a tant d'effluves mystérieuses et la rêverie tant de marge. Mais tout dans ce bas monde doit finir, même les plus douces rêveries. Le troisième jour de grand matin, une brise légère se mit à rouler doucement les brumes du lac. De ma fenêtre, je voyais le rouleau grossir de seconde en seconde, et la brise poussait, poussait toujours, découvrant tantôt un coin d'azur, tantôt le clocher d'un hameau, quelques cimes verdoyantes, puis un pan de sapin, un vallon, et l'immense masse flottante montait, montait vers nous. À 10 heures, elle nous avait dépassés, et le gros nuage, debout sur les crêtes arides de Chasseron, nous menaçait encore. Mais un dernier effort du vent le fit s'incliner sur l'autre pente et disparaître dans les gorges de Sainte-Croix. Alors cette puissante nature des Alpes m'apparut comme rajeunie. Les bruyères, les hauts sapins, les vieux châtaigniers trempés de rosée brillaient d'une santé plus vigoureuse. Ils avaient quelque chose de joyeux, de riant et de grave à la fois. On sentait la main de Dieu dans tout cela, son éternité. Je descendis, tout rêveur. Rösel était déjà dans le rucher. Jung, en entr'ouvrant la porte, me la fit voir assise à l'ombre de la vigne sauvage, le front penché comme assoupi. « Prenez garde, me dit-il, ne l'éveillez pas, son esprit est ailleurs. Elle dort, elle voyage, elle est heureuse. » Les abeilles par milliards tourbillonnaient comme un flot d'or au-dessus de l'abîme. Je regardais quelques secondes ce spectacle merveilleux, priant tout bas le Seigneur de continuer son amour à la pauvre enfant. Puis, me retournant, « Maître Jung, il est temps de partir. » Lui-même alors boucla mon sac sur mes épaules et me remit mon bâton. La mère Catherine me regardait d'un œil attendri. Ils m'accompagnèrent tous deux sur le seuil du chalet. « Allons, me dit Walter en me serrant la main, bon voyage, et pensez quelquefois à nous. Je ne vous oublierai jamais, répondis-je tout mélancolique. Puissent vos abeilles prospérer toujours, puissiez-vous obtenir du ciel le bonheur que vous méritez. « Ainsi soit-il, monsieur Hennetius, dit la bonne mère Catherine, ainsi soit-il, bon voyage, portez-vous bien. » Je m'éloignai. Ils restèrent sur la terrasse jusqu'à ce que j'eusse atteint la route. 3 fois, je me retournai, agitant mon feutre. Eux levaient la main. « Braves gens, pourquoi n'en rencontre-t-on pas de pareils tous les jours ?» La petite Rösel m'accompagna jusqu'au pied de la côte, comme elle me l'avait promis. Longtemps, longtemps, sa douce musique égaya les fatigues de mon chemin. Il me semblait la reconnaître dans chacune des abeilles qui venaient bourdonner à mes oreilles, et je croyais l'entendre me dire d'un air moqueur, avec sa petite voix grêle, « Bon courage, monsieur Hennetius, bon courage, n'est-ce pas qu'il fait bien chaud? Voyons, faut-il que je vous embrasse? N'ayez pas peur, vous savez bien que nous sommes bons amis. » Ce n'est qu'au fond de la vallée qu'elle prit enfin congé de moi, lorsque le grand murmure du lac couvrit son doux bourdonnement. Mais sa pensée me suivit tout le long du voyage, et je crois qu'elle ne me quittera jamais.